Au sein de la famille Eastwood, la musique a toujours été une affaire de famille. Kyle Eastwood réinvente les plus grands thèmes des musiques des films de Clint Eastwood, accompagné de son quintet et d'un orchestre symphonique. Découvrez Clint Eastwood comme vous ne l'avez jamais entendu. Eastwood Symphonique, l'album événement enfin disponible. France Inter. Salut Frédéric, je suis super content du retour de l'émission, c'est vraiment le petit plaisir de l'été. Aujourd'hui, je bouillonnais tout au long de l'émission d'impatience que vous citiez Onimusha 3, parce que j'ai retrouvé la jaquette en déménageant ce week-end et c'est chose faite. Merci pour cette nouvelle saison qui arrive et ciao. Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. Ouais, bonjour Blockbuster. Si j'étais un toxique aux jeux vidéo, je sauterais sur les champignons pour les exploser au lieu d'en ramasser. Et si j'étais un toxique aux jeux vidéo, j'aurais une épée et une hache sur moi avec des potions de vie. De toute façon, la seule intoxication qui existe ici, c'était la Blockbuster, ma drogue du jour. Allez, les bisous. Albator, Albator, de bâbord à tribord. Hey, Frédéric, c'est incroyable, comme dirait Walidia. T'as pris des cours d'anglais ou quoi? Desperate Housewives, Only Murders in the Building, Cozy Crime, Avant-hier, Last Action Hero. Je crois que l'association de défense de l'anglais avec Frédéric Sigrist a vraiment bien fait son travail et je pense qu'elle peut songer à se dissoudre. Allez, bye. Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. To be or not to be, not to be. Albator vieillit beaucoup mieux qu'Indiana Jones. Je les ai revus tous les deux il y a très peu de temps et vraiment, il n'y a pas photo. Hein. Alors, il est possible que le fait qu'Albator soit un personnage de dessin animé ait un peu joué. Mais personnellement, je crois plutôt que c'est son alimentation et de bonnes nuits de sommeil. Alors attention, le coup de vieux d'Indiana Jones, ça n'a rien à voir avec Harrison Ford, qui lui reste impeccable. À 80 ans, il assume le temps qui est passé sur lui avec une classe que j'ai pas à 45. Non, ce qui a vieilli dans le dernier opus de sa franchise, le cadran de la destinée, c'est tout ce qu'il y a autour. Les effets numériques de rajeunissement qui font perdre l'étincelle de vie qu'ont les acteurs, les incrustations dégueulasses sur fond vert tous les trois plans, la perte d'une mise en scène à l'ancienne avec des vraies cascades, dans de vrais décors avec des acteurs que l'on accepte de montrer transpirants, salis par le sang, la boue ou les larmes. En gros, le Hollywood moderne est en train d'évacuer tout ce qui fait de nous des humains. Ce n'est pas Indiana Jones qui a vieilli, mais son cinéma. La cicatrice d'Albator, elle ne bougera pas. Le capitaine de l'Arcadia portera toujours son œil valide vers les profondeurs de l'espace. Un phare d'idéaux bien humains dans un océan galactique dessiné par la main de l'homme, Leiji Matsumoto. Dans un futur très lointain, l'espèce humaine partit à la conquête de l'univers. La population humaine augmenta massivement. 500 milliards d'êtres humains avaient colonisé l'espace. Cette croissance vertigineuse finit par épuiser les planètes colonisées et le taux de natalité commença à s'effondrer. L'espèce humaine entra dans une période de déclin inexorable. En proie au désespoir, des milliards de colons voulurent revenir sur Terre. Mais la petite planète ne pouvait pas tous les accueillir. Un conflit ne tarda pas à éclater. La guerre du retour fut aussi longue que sanglante. Un nouveau pouvoir, la coalition Gaïa, émergea et mit fin à cette guerre. La Terre devint un sanctuaire éternel, auquel nul n'avait accès. Un symbole de paix, que les humains mourants des colonies n'avaient plus que le droit de contempler. Un seul homme refusa de se soumettre à ce nouvel ordre. Un corsaire de l'espace, que la légende proclamait immortel, pillant et détruisant sans merci les vaisseaux de la coalition Gaïa. L'homme le plus recherché de l'univers. Numéro de code S00999. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la Terre. Depuis la création de Blockbuster, pas une semaine où je n'ai pas reçu un message d'auditeur me demandant « À quand Albator ? À quand Albator ? Vous avez traité Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or, même Nicky Larson, mais Albator toujours pas. Je suis déçu Frédéric, je suis très déçu !» N'étant pas homme à rester sourd aux suppliques de geeks éplorés, j'ai décidé que cette saison, enfin, je me devais d'honorer la mémoire du capitaine Corsair et de son créateur, récemment disparu, Leiji Matsumoto. Et pour évoquer Captain Harlock en version originale, j'ai avec moi Julien Pirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rôliste, concepteur de jeux de rôle et de jeux vidéo, anciennement chez Ubisoft, actuellement directeur créatif pour le studio allemand Leipzig Entertainment, et également auteur. Vous avez notamment écrit un très beau livre, hommage à Leiji Matsumoto, Par-delà la boucle du temps. Oui, tout à fait, qui est sorti hier. On est vraiment mis à la page. Avec nous, et on est ravis, mon comparse Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le rédacteur en chef d'Otaku Manga, un magazine sur la culture manga destiné aux ados. Et vous écrivez aussi pour Coyote Mag ou Animeland. Et vous avez coécrit Histoire du manga moderne et un siècle d'animation japonaise aux éditions Inis et Manga que d'histoire aux éditions Larousse. Tout à fait. Tout à l'heure, nous aurons la chance d'être rejoints par Jérôme Alquier, qui est l'auteur et le dessinateur de la bande dessinée Capitaine Albator, édité aux éditions Kana. Vous avez l'équipage dans son ensemble, à l'abordage. Il m'arrive souvent de repenser à mon père, à ses exploits, et au jour où il a disparu à tout jamais. Ce jour-là, il était à bord de son avion, et il survolait la Nouvelle-Guinée, quand il se trouva au milieu d'un orage d'une violence inouïe. Il se dirigeait vers Rabai. Il effectuait une mission d'exploration. Quelques minutes plus tard, il découvrit que la montagne l'avait condamné. Il perdait du carburant. Et dans cette région désolée, il n'y avait aucun endroit où il pourrait espérer se poser. C'est un extrait du film d'animation L'Atlantis de ma jeunesse, sorti en 1982 et réalisé par Tomoharu Katsumata, et la voix française d'Albator est celle de François Lessia. Alors on a entendu dans cet extrait Albator qui évoque son père, mais justement la figure du père et la transmission avec le fils, c'est quelque chose qui concerne aussi très très fort Leiji Matsumoto, non Julien Pirou? Alors oui, en effet, en fait Matsumoto, donc c'est un fils, lui-même fils de pilote, son père Tsuyoshi était l'un des premiers pilotes en fait japonais, puisqu'il a été entraîné par une mission française qui était la mission Fort, donc c'était en 1919, entraîné à voler sur des biplans. Et par la suite, voilà, il est devenu pilote d'essai. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a été rappelé sous les drapeaux pour devenir chef d'escadre. Donc voilà, le jeune Matsumoto a grandi dans l'ombre quelque part de ce père qui l'idéalisait quelque part, mais qui lui a aussi transmis un regard sur la guerre, sur le conflit très très amer, très désabusé. Oui, parce que c'était vraiment un soldat atypique, quelqu'un qui a très vite transmis à son fils l'importance d'une vie et le fait que la guerre ne pouvait que vous transformer en monstre. Ah, tout à fait. Le fait que Tsuyoshi Matsumoto parte au combat déjà quarantenaire, père de plusieurs enfants, le fait qu'il n'avait pas vraiment cette attitude un peu va-t-en-guerre qu'avaient peut-être des pilotes plus jeunes, lui... Voilà, ce qu'il disait à son fils, c'était voilà, quand tu tires sur un ennemi, dis-toi que c'est toute une famille en fait qui va être endeuillée. Et lui-même a perdu de nombreux hommes au combat et a vécu en revenant. Il a survécu au conflit, il est revenu avec cette honte quelque part de lui avoir survécu alors que ses subordonnés étaient eux voilà disparus au combat. Donc, il a inculqué au jeune Matsumoto, qui n'était pas encore Leiji, qui était Akira Matsumoto, son nom de naissance, ce regard sur le conflit comme étant finalement un terrible gâchis de rêve pour l'être humain. Et sur une note plus positive, il y a cette passion pour l'aviation, pour l'aéronautique, qui va être transmise par son père justement à Akira Matsumoto avant qu'il prenne son pseudonyme de dessinateur, et qui fait que très tôt, en fait, il va vouloir se tourner vers le métier d'ingénieur en aéronautique. Et le problème, c'est que ce sont des études qui coûtaient extrêmement cher. On était dans un Japon qui venait d'être ravagé par la Deuxième Guerre mondiale, d'autant plus que son père, militaire, était dans le camp des perdants, donc forcément, il y avait un tribut à payer. Et par conséquent, il n'a pas pu se tourner vers cette carrière qu'il espérait enfant. Alors, il aura quand même vu, durant son existence, la réalisation de certains de ses engins très concrets. enfin très concrètement en fait. J'ai vu notamment une sorte de petit véhicule, pas sous-marin, mais un bateau. Une sorte de péniche, oui, qui est dans la baie de Tokyo. En fait, c'est Matsumoto, lui, n'a pas pu faire ni devenir pilote, ce qu'il aurait aimé, on va dire, en première option, mais il était myope, donc c'était pas possible, ni ingénieur. Par contre, comme il a été indépendant financièrement assez vite, grâce à sa carrière de mangaka, il a pu permettre à son petit frère Susumu de lui faire cette carrière d'ingénieur et bien plus tard... Donc il a financé son rêve voilà. En délocalisant ses espoirs. Et bien plus tard, eh bien, ils ont mis un peu leurs forces en commun pour créer ce bateau qui s'appelle le Himiko, où Matsumoto a réalisé le dessin, le design du bateau, et son frère a fait l'ingénierie. Donc c'est voilà, quelque part, leurs rêves ont convergé pour créer ce bateau. Et ensuite, il y en a eu deux autres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a trois bateaux conçus par... dessiné par Leiji Matsumoto, qui circule dans la baie de Tokyo. Qui sont les équivalents de bateaux mouches, hein, qu'on peut vraiment prendre en tant que touriste. Et d'ailleurs, le tarif est deux fois plus cher que les autres bateaux mouches, puisque c'est quand même le bateau du papa d'Albator. Il faut ce qu'il faut, Mathieu Pinon. Il faut bien manger. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a Metel et Tetsuro de Galaxy Express qui font le commentaire touristique à bord. Donc c'est... Oui, voilà. Voilà. Mathieu Pinon, justement, à quel âge Matsumoto s'est-il lancé dans le manga? Parce que on a l'impression d'avoir affaire à un prodige. Son premier manga publié, alors là j'ai le regard de Julien Pirou qui s'y connaît bien mieux que moi, je suis en âge, c'était à 16 ans si je ne dis pas de bêtises, 15 voilà, comme quoi tout de suite et en fait ce manga va tout de suite taper dans l'œil de Osamu Tezuka, qui est donc le dieu du manga, qui a vraiment porter ce médium. Sans Osamu Tezuka, le manga ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et par conséquent, Akira va assister Osamu Tezuka pendant ses débuts. Et dans les années 60, il va vivre lui-même. Et ce qui est très marquant, c'est qu'il va manger à peu près à tous les râteliers. C'est-à-dire qu'il va faire aussi bien du shonen, donc des trucs d'action, il va faire du comique, il va faire du tragique, et puis il va aussi aller dans la bande dessinée pour femmes, pour jeunes filles, du shoujo. Et c'est de là que vont venir notamment toutes ces héroïnes longilignes, à la chevelure en cascade avec toutes les boucles. D'ailleurs, sa propre femme travaillait également dans le shoujo manga, et là je me tourne vers Julien qui va nous rappeler son nom. Miyako Maki, voilà, qui a notamment signé Les Femmes du Zodiac, qui est disponible en France. Et c'est en fait d'avoir cette polyvalence, ça va lui permettre de pouvoir se créer son propre style à lui, puisque beaucoup d'auteurs, quand ils vont commencer, vont très très vite s'enfermer dans un carcan dans lequel ils vont rester pour toute leur vie. Donc le carcan de Tezuka. Voilà. Alors, non, Tezuka a fait vraiment lui dans tout. Mais par contre, très vite, quand l'industrie du manga va se mettre en place avec les maisons d'édition, les magazines qui vont cibler des cibles très précises, donc pour les jeunes adolescents de 10-15 ans, ceux qui vont commencer à faire du manga pour ados de 10-15 ans vont très souvent ne faire ça que toute leur vie. Lui, en ayant tapé un petit peu à toutes les portes au début, va pouvoir se créer un propre style qui est vraiment unique. Et comment est né Albator? Parce que évidemment, nous en France, la création la plus connue de Leiji Matsumoto, c'est Captain Harlock, Albator en version française. Et comment est né ce projet? J'ai l'impression en fait qu'il était déjà apparu dans pas mal de projets précédents de Matsumoto. Alors Matsumoto, dans son enfance, justement parce qu'il arrive à vendre des dessins dans les journaux, il arrive à se faire un petit peu d'argent de poche qui lui permet d'aller au cinéma. Donc dès qu'il y a des films à aller voir, il y va. Et notamment tous les films d'Errol Flynn, les films de pirates. Donc des pirates, on en voit dans ses mangas d'enfance très très vite. Et il y a un mot qu'il entend au cinéma. Alors lui-même ne saurait pas dire vraiment dans quel contexte, mais voilà, ce mot « Harlock ». Qu'il adopte un petit peu comme une sorte de rythme de marche. Il va sur le chemin de l'école, il répète « Haroku, Haroku » en marchant. Et bien plus tard, il se rend compte par hasard qu'en fait, c'est vraiment un nom de famille, Harlock, c'est un nom de famille allemand. Voilà. Et il va commencer à le donner à des personnages, à tout un tas de personnages secondaires, qui ne sont pas forcément des pirates d'ailleurs. Voilà, ça peut être le méchant dans un manga et un héros dans un autre. Voilà. Mais petit à petit, ce figurant Harlock devient le premier rôle Harlock. Et finalement, en 70, il en fait un pirate de l'espace dans un manga qui s'appelle Dai Kaizoku Captain Harlock, donc Captain Harlock, le grand pirate. Et on entendait tout à l'heure l'introduction du film de 2013 narré par Richard Darbois. Voilà, moi, ça m'a mis les poils sur le bras. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais ce film, je suis imberbe. Ce film est un peu... je sais que beaucoup de gens qui s'attendaient à voir le Albator plus positif, plus héroïque de leur enfance ont été un peu désarçonnés par ce film, parce que ce film retourne justement à ce Harlock de 1970 qui n'était pas vraiment un héros, qui était vraiment un pirate recherché. Oui, il y a cruel. Même une dimension fantomatique chez lui. C'est presque un spectre qui apparaît avec ce navire. Il y a quelque chose de très effrayant chez ce Harlock-là. Bah, le premier vaisseau de Harlock, avant qu'il s'appelle l'Arcadia, c'était le Death Shadow, donc l'ombre de la mort. Déjà, ça donne un petit peu le ton. Et effectivement, Harlock n'est pas devenu un héros tout de suite, mais progressivement, il est devenu plus d'abord un mentor, et puis finalement le héros de sa propre série, donc en 77, enfin son propre manga, qui devient une série animée l'année suivante, et arrive en France finalement assez vite, puisque dès janvier 1980, Albator est sur les écrans en France. En fait, faut bien prendre conscience qu'au début des années 70, il y a un virage artistique qui se produit chez Matsumoto, c'est-à-dire qu'il commence à prendre une veine plus adulte. Notamment en 68, il va sortir un des titres qui va vraiment le révéler par rapport au public, qui s'appelle Sexaroid. Donc tout de suite, voilà, on se dit que oui, on est loin des histoires pour enfants, et par conséquent, le personnage d'Harlock dans sa version 0.1, si on peut dire, est totalement dans cette veine très très mature, très très adulte, très sérieuse. Et alors, en préparant cette émission et en entendant les réactions, tout le monde m'a évidemment dit « Oh, Albator, j'adore, j'adore !» Et en fait, ce qui est assez intéressant dans les conversations qu'on a avec les gens qui ont grandi avec ce dessin animé, c'est que quand on demande « Mais tu te souviens de quoi ça parlait ?» Là, par contre, il y a une sorte de flou. Ça raconte quoi, Albator ? Alors, Albator, ça raconte que la Terre, telle qu'on la connaît, en fait, là encore, je suis en stress avec le grand expert à côté de moi. Il fait la vigie. La Terre a été terraformée, est devenue la planète qu'elle est, par une civilisation qui s'appelle les Sylvidres, qui se sont dit, ça va être notre planète de secours. Comme ça, le jour où notre planète à nous va disparaître, nous pourrons aller sur cette planète bis, un peu notre... On a des maisons de vacances, oui, elles ont une planète de vacances, une planète de secours. Seulement, entre-temps, l'humanité est apparue sur cette planète. Et l'humanité... Les squatteurs. L'humanité a fini par devenir totalement... technologiquement à la pointe, c'est-à-dire coloniser l'espace et à récupérer tout ce dont elle avait besoin, quasiment en claquant des doigts désormais. Donc tout le monde coince la bulle, ne fait plus rien. Le gouvernement encourage vraiment le monde à être totalement flemmard. Je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de télévision mondiale qui est là pour laver les cerveaux. Et un gouvernement mais complètement déliquescent. Voilà, donc, et le problème, c'est qu'entre-temps, la planète des Sylvides d'origine a fini par disparaître. Et donc les Sylvides vont revenir pour envahir la Terre. Il y a une seule personne qui prend conscience du problème, c'est Albator. Et Albator se dresse contre ça. Et les exactions qu'il va commencer à créer, tout le monde va lui mettre ça sur le dos, alors que lui cherche à défendre l'humanité. Et donc on se retrouve avec le dernier rempart pour protéger la Terre des Sylvidres, qui est détesté par les Sylvidres, qui sont ses ennemis, et qui est aussi conspué par l'humanité, qui voit en lui quelqu'un qui fait le mal, alors que on a juste à bronzer au soleil et à rien faire. Voilà, est-ce que c'est... On est d'accord ? C'est plus ou moins ça, ouais. Il faut quand même noter que les Sylvidres sont très fair-play, parce que, oui, dès le premier épisode, elles envoient une énorme sphère noire sur Terre, sur laquelle il y a écrit « Cette planète est la seconde patrie des Sylvidres ». Alors bon, c'est écrit en ancien maya, parce que clairement, elles n'avaient pas trop suivi l'évolution des langages terriens. Mais voilà, elles annoncent quoi, la couleur. Et le gouvernement, ouais, ça rappelle des choses un petit peu sur ce qui se passe actuellement. Exactement là où je voulais en venir. Tous les scientifiques disent attention, on les voit sur les observatoires, elles arrivent quoi. Et le gouvernement fait on va retourner jouer au golf. Hein, tout ça, c'est pas pressé. On n'a pas besoin de s'en occuper. Voilà. C'est un manga extrêmement actuel, vraiment. On va continuer de parler de tout ça parce que c'est extrêmement intéressant. Mais je sais qu'on a tous son générique d'Albator en fonction de son âge. Mais il y en a un peu plus culte que les autres, principalement par ses auteurs, Éric Chardin et Didier Barbelivien, Albator 78. Je suis désolé, capitaine. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec toi. Où est-ce que tu as appris à piloter comme ça ? Eh bien, j'ai seulement lu des livres. Tu aurais dû en profiter pour apprendre à obéir. Attention, capitaine, derrière vous ! Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Albator, du fond de la nuit d'or. Pour dessiner les étoiles, je me sers d'un collier de plomberie. Je trempe mon pinceau dans cette peinture blanche et le frotte contre le fermoir pour projeter de fines bulles sur la page. Voici un original. Tout ça est dessiné à la main, même les plantes. A priori, les êtres vivants, c'est moi qui m'en charge. Il n'y a que les motifs des kimonos que je délègue à mes assistants. C'était un extrait d'Envoyé spécial du 28 juin 2007 et vous avez entendu la voix de Leiji Matsumoto. C'est un envoyé spécial diffusé sur France 2. Alors, nous sommes actuellement au téléphone avec Jérôme Alquier. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous représente, vous êtes l'auteur et le dessinateur et coloriste de la bande dessinée Capitaine Albator, édité aux éditions Kana. Alors, vous êtes incollable sur l'univers créé par Matsumoto et vous travaillez aussi sur les univers de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, toujours aux éditions Kana, dont le tome 2 sort en septembre. Et grand fan de pop culture japonaise, Ulysse 31 non plus n'a pas de secret pour vous. Donc, ma première question, c'est comment on en vient à être passionné au point de rentrer en contact avec Leiji Matsumoto au Japon pour dire tiens, j'ai envie de continuer à raconter l'histoire de votre héros. Alors d'abord, je suis né en 1975, donc ça aide un petit peu d'être né dans cette époque-là, parce qu'on voit arriver au début des années 80 beaucoup de dessins animés japonais. Alors c'est évidemment Goldorak qui a ouvert la voie, mais comme le disait Julien tout à l'heure, dès 1980 on voit arriver ce fameux pirate de l'espace. Alors je l'ai pas connu quand j'étais tout jeune, parce qu'à 5 ans, je pense que je ne comprenais pas exactement justement le double niveau de lecture dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu et vous. J'ai attendu plutôt les années 90 pour redécouvrir en fait Albator et me rendre compte que c'était une œuvre vraiment extrêmement riche, très profonde, très mélancolique aussi, et j'ai été à ce moment-là totalement passionné par ce personnage, à tel point que j'ai toujours rêvé un jour d'apporter une petite pierre à l'édifice du Leijiverse, puisque c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler, l'univers créé par Leiji Matsumoto, le Leijiverse. J'ai espéré un jour, voilà, pouvoir apporter cette petite pierre, et j'ai eu cette occasion durant les années 2014-2015 de proposer cette collaboration-là avec les éditions Kana, vous l'avez dit, pour réaliser une bande dessinée qui est une histoire un petit peu inédite par rapport à ce qui existe sur en série télé ou dans le manga de Maître Matsumoto, mais basé vraiment sur le manga de Maître Matsumoto, dont Mathieu a parfaitement bien résumé les tenants, les aboutissants. Merci Jérôme. Et comment s'est passée la collaboration avec les Japonais? Parce que c'est quelque chose qui est assez récent, notamment avec l'émission Blockbuster, mais je suis en contact avec des éditeurs japonais, et j'ai compris combien il est difficile de négocier avec eux le moindre dessin, la moindre information. Donc j'imagine que créer une bande dessinée qui reprend un personnage qui fait partie du panthéon japonais, comment ça s'est passé? J'ai envie de répondre extrêmement bien, surtout par rapport à tout ce que vous venez de rappeler. c'est vrai qu'on avait très très envie avec les éditions Kana. Alors pourquoi les éditions Kana? Parce que c'est eux qui, dans les années 90, ont édité Les Chevaliers du Zodiac, vous en avez parlé, et aussi le manga de Leiji Matsumoto, du Capitaine Albator, et aussi celui de Galaxy Express. Donc je trouve que ça faisait vraiment quelque part très sens de collaborer avec les éditions Kana. Et on a mis au point ce projet-là, d'essayer de donner un nouvel éclairage sur les séries qui nous avaient passionnés quand on était enfant, avec un médium qui est la bande dessinée franco-belge. Pourquoi du franco-belge plutôt que du manga? Parce que le manga, ils sont très habitués à le faire, les Japonais, ils sont bien meilleurs que ce qu'on ne pourra jamais l'être, en tout cas que ce que moi je serais capable de dessiner en manga. Par contre, il y avait en effet cette valeur ajoutée du format franco-belge, de la couleur, qui aussi rappelait un petit peu le dessin animé, puisque nous, en France, on a connu Albator d'abord par le dessin animé, avant de découvrir le manga de Maître Matsumoto. Donc tout ça, ça faisait sens. Et bah écoute, on a préparé un dossier. Je sais que Kana est allé au Japon pour rencontrer Leiji Matsumoto par rapport aux différentes séries qu'il publiait à ce moment-là en France, et a proposé le projet. Et aussi, j'ai envie de dire, aussi étonnamment et naturellement que possible, Leiji Matsumoto a trouvé le projet extrêmement passionnant et il a donné son accord de principe. Alors, on n'est pas le tout premier en France à avoir travaillé avec Leiji Matsumoto. Je sais pas si vous en avez parlé avant, mais il y a déjà une collaboration de Matsumoto avec des artistes français qui s'appellent les Daft Punk. Oui. À la fin des années 90. Mais en tout cas, on était très, très fiers en 2017 de pouvoir attaquer et commencer à travailler sur ce projet de bande dessinée. Et alors, vous avez votre style de dessin que l'on connaît, mais comment faire pour se fondre dans le moule de Matsumoto, qui a quand même un style reconnaissable entre mille, ces personnages masculins longilignes, avec ses cheveux qui leur cachent la moitié du visage, ces femmes blondes filiformes aux chevelures qui n'en finissent pas. Donc, est-ce qu'il y a eu des difficultés à appréhender son style, sans le trahir ? Alors, depuis que j'ai connu Albator dans les années 90, j'ai toujours dessiné au moins 2-3 fois par jour Albator. Vous voyez, c'est devenu un toc, hein, chez moi. C'est, voilà, dès que je suis au téléphone, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de dessiner un Albator. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment appris à dessiner ce personnage-là. Je l'ai énormément fait et refait. Donc, c'était assez naturel pour moi de le dessiner. Après, j'y ai intégré, comme vous l'avez dit, des choses, une manière de dessiner un petit peu plus personnelle. Mais qui fait que, finalement, mon Albator n'est pas, j'ai envie de dire, révolutionnaire par rapport à celui de Leiji Matsumoto. Il est fidèle en apportant, j'espère, une petite touche un petit peu supplémentaire qui est celle du franco-belge et de la couleur. Donc voilà, ça c'est comme ça que j'ai appréhendé le personnage. Mais après, ça, la grosse difficulté, c'était de faire en sorte que ce que l'on crée plaise au maître. Parce que évidemment, c'était notre premier lecteur. Et dans la collaboration qu'on a pu avoir avec lui, je ne cache pas que c'était un gros stress au départ de se dire, est-ce qu'il va aimer ce qu'on va proposer? Donc, quand on a envoyé les premières planches au Japon pour validation, parce que vous aviez raison de le souligner, c'est très compliqué. Du moins, il y a un process de validation qui est extrêmement précis avec le Japon et que l'on doit de respecter. Quand on a envoyé les premières planches au Japon, je reconnais que j'avais un petit peu peur des réponses. Et Maître Matsumoto a été extraordinaire dans cette collaboration-là, parce que non seulement il a validé l'ensemble des éléments que j'ai pu envoyer, quitte à des fois changer, corriger certaines choses, mais en plus il a été un véritable soutien, il a été une personne qui était au-dessus de mon épaule tout au long du projet pour m'encourager, pour me soutenir, pour me dire que vraiment on sentait toute la passion qui était la mienne pour son personnage au travers des dessins et des pages, et qu'il fallait que je continue à me faire vraiment plaisir en dessinant pour faire passer cette passion au travers des pages. Et il a eu l'objet fini entre les mains, la BD cartonnée ? Oui, alors c'était un moment vraiment qui restera gravé dans mon cœur toute ma vie, parce qu'on a eu la chance de se rencontrer à la Japan Expo en 2019 quand il y a été invité, et il est je suis allé me présenter à lui, et puis je l'ai remercié en effet de m'avoir permis de réaliser ce projet-là en France, et puis il m'a répondu non, ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie de faire vivre mon personnage au-delà des frontières japonaises. Donc j'ai été évidemment très touché, et le lendemain il m'a fait la très très bonne surprise et la reconnaissance de venir au stand où je dédicaçais les albums, et il est venu avec son album, et j'ai le monde est à l'envers, hein, mais j'ai dédicacé mon album du Capitaine Albator à Leiji Matsumoto. On a d'ailleurs une photo souvenir de ce moment-là qui est sur le quatrième de couverture du tome 2 de la série. Et alors là, je vous pose une question, non pas aux dessinateurs, mais aux passionnés. On voit que vous avez pu faire naître ce projet avec Leiji Matsumoto, une BD Goldorak est sortie avec la validation de Go Naga il y a peu de temps. Là, vous travaillez sur Senseiya avec aussi la bénédiction de Masami Kurumada. Est-ce que finalement tout ce qui a commencé avec Ulysse 31, cette collaboration franco-japonaise, c'est pas aujourd'hui une manière de la faire perdurer ? Complètement. Moi, je pense qu'on est tous des enfants enfin, tous les artistes là qui travaillent justement sur ces projets pour la collection classique des éditions Kana, on est tous des enfants qui avons grandi dans les années 80, qui avons grandi avec Goldorak, avec Albator, avec Ulysse 31. Vous faites bien de le rappeler, parce que c'est en effet la toute première collaboration entre la France et le Japon. Et d'une certaine manière, je me sens aussi un enfant de la DIC, qui est la société de Jean Chalopin, qui avait justement produit et réalisé avec TMS Ulysse 31. Donc c'est vrai que c'est toute une génération qui a grandi dans ces années-là, qui a été nourrie de tout ce qu'on a pu voir, qui était totalement novateur pour nous. On ne connaissait pas du tout l'animation japonaise au début des années 80. C'était quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, je me souviens que la génération du dessus, mes parents par exemple, ne comprenaient pas du tout ce qui se passait à l'écran. Et aujourd'hui, on est là pour transmettre, pour continuer à faire vivre ces séries qui nous ont enchantés quand on était enfant, les faire connaître à une plus jeune génération. Les Chevaliers, par exemple, je les ai beaucoup regardés avec mes propres enfants. Mon co-scénariste, c'est pareil. On est là pour faire perdurer tout ça dans le temps. C'est marrant, on a quitté une époque où les parents ne comprenaient pas ce qui se passait à l'écran pour une époque où les parents ne comprennent pas ce qui se passe dans la salle désormais devant un animé japonais. En tout cas, je tiens à vous remercier, Jérôme Alquier, pour le travail dont vous êtes responsable. Et en tant que lecteur aussi de Senseiya, laissez-moi vous dire que j'attends passionnément le tome 2 de Saint Seiya pour le mois de septembre. Il est fini déjà ? Il est fini et j'attendrai donc impatiemment votre retour quant à si vous avez aimé ou pas. Comptez-y. Merci beaucoup, Jérôme Alquier. Merci beaucoup. Au revoir. On est toujours ensemble pour évoquer le fabuleux capitaine corsaire Albator, mais pour le moment, on va aller voir un autre grand romantique issu de la playlist, Antonin, qui nous chante Le Silence. Oui, voilà. Ah bah non, j'ai pas rêvé alors. Je ne sais pas si c'est une déesse ou pas, mais en tout cas, ses moyens sont très supérieurs aux nôtres. Et marin, tu regardes le fleuve. Mais c'est à la mer que tu penses, en silence, ce matin, dans tes yeux qui s'émeuvent, on voit les vagues qui dansent, en cadence, dis marin, tu marches sur la rive, mais c'est au large que tu penses, en silence, ce matin, dans tes yeux qui dérivent, on voit les bateaux. Qui danse en cadence, en silence, on voit les bateaux qui dansent. Arrête-moi si je te saoule, mais c'est à elle que tu penses, en silence, ce matin, dans tes larmes qui coulent, on voit celle qui te ronge, en cadence, en silence, on voit le sel qui te ronge. Allez, marin, regarde ta boussole. Si t'as rien à faire, je pense, en silence, ce matin, dans tes yeux qui rigolent, on voit le malheureux qui danse, en cadence, en silence, en cadence. Il faut absolument que tu me prêtes ton vaisseau. Et pourquoi ? Parce qu'il faut que je m'éloigne de la Terre le plus vite possible. Pas question. Sale traître ! Tu t'es mis au service des humanoïdes qui réduisent les peuples de l'univers à l'état d'esclaves. Albator, je t'en prie. Il n'est pas venu ici pour t'arrêter. La planète où j'ai vu le jour a été détruite par les humanoïdes. Quand je l'ai vu exploser, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. La planète Tokarga risque de connaître la même fin tragique. Si notre armée secrète parvient à s'échapper, il lui reste un mince espoir de survivre. Ils refusent de rester ici et de ne pas tout tenter pour essayer de sauver leur planète et d'éviter la mort à leur famille et à leurs amis. Quitte à mourir, autant mourir en se battant pour aider les siens. Et c'est pour cette raison qu'ils ont besoin d'un vaisseau spatial. Ils sont venus demander celui d'Emeraldia. Possible que leurs efforts se révèlent inutiles, mais je vous en supplie, vous devez les laisser essayer quelque chose. Dans ce cas, je retire tout ce que j'ai dit. Pardonne-moi. C'était un extrait de l'Atlantis de ma jeunesse, sorti en 1982. Julien Pirou, le cinéma français a eu une énorme influence sur Matsumoto. Absolument. Et finalement, ça rejoint ce que vous disiez un peu plus tôt sur ces échanges entre la France et le Japon. Matsumoto, voilà, quand il allait au cinéma, enfant, adolescent, il allait voir des films un peu venus des quatre coins du monde. Et il a vu en 55 un film français qui s'appelle Marianne de ma jeunesse. Film de Julien Duvivier et en fait ça va lui retourner le cerveau, mais vraiment c'est un impact sur lui sur le plan esthétique, narratif, plus rien ne sera comme avant pour le jeune Matsumoto. Et notamment voilà, dans ce film il y a une actrice allemande, Marianne Hold, qui est une blonde mystérieuse, diaphane, étrange. Et voilà, et ce personnage entra par la suite tous les mangas de Matsumoto sous une forme ou une autre, la plus célèbre étant Metal de Galaxy Express. Et il y a autre chose qui va beaucoup le marquer, c'est que Mathieu en parlait tout à l'heure, ce moment où Matsumoto en fait sort de 10 ans où il a fait principalement du shoujo et ça l'ennuie un peu, il a envie de faire autre chose, de faire des mangas pour garçons, pour hommes, et il a cette opportunité d'aller faire ce manga pour adultes, Sexaroid, mais son style de dessin ne convient pas du tout. Et à ce moment-là, donc il va aller écumer les librairies étrangères à Tokyo pour un peu voir ce qui se fait à l'étranger, et notamment c'est là qu'il va tomber sur Barbarella, la bande dessinée de Jean-Claude Forest, donc encore une œuvre française. Et voilà, et l'influence de Barbarella, elle va être décisive dans justement pour que Matsumoto s'émancipe de celle de Tezuka et crée son propre style. Voilà, Barbarella, ça va être là aussi un énorme impact sur lui, et je pense que c'est pour ça qu'il était particulièrement touché d'avoir la médaille d'être fait chevalier des arts et des lettres. Par la France, parce que justement la France a beaucoup compté sur lui sur le plan artistique et créatif. Oui, mais alors c'était un juste retour des choses, parce que Frédéric, vous n'êtes pas sans savoir que s'est déroulé à Annecy il y a peu de temps le festival du film d'animation, où parmi les invités il y avait Monsieur Rintaro qui a réalisé la première des deux séries animées d'Albator, ainsi que le long métrage de Galaxy Express 999. Et Rintaro expliquait que... alors Rintaro, à l'origine, lui, voulait vraiment faire du cinéma live. Il s'est tourné vers l'animation parce que c'était ce qui se proposait à lui. Et il apporte beaucoup d'importance à la musique dans l'animation, notamment sur Albator. Et il était extrêmement vexé de voir la version française, puisque le générique interprété par Eric Chardon, que nous avons écouté oui, tout que vous à avez l'heure, conchi, que, on le sait, on que le sait. Que tout on le monde le a sait. Dû brailler avec plein poumon. Ben, il intervenait à de nombreuses reprises, il tombait un peu comme un cheveu dans la soupe. Toute la bande-son avait été remplacée par une bande-son d'Eric Chardon. Et donc, la musique avait été composée par Seiji Yokoyama, qu'on retrouve également sur toutes les partitions des Chevaliers du Zodiac, ce qui est quand même pas rien. Et donc, ben voilà, ce côté, la France a peut-être pas été aussi généreuse envers ce que proposait Matsumoto que ce que lui avait pu prendre. Donc, c'est très bien qu'il y ait eu cette médaille qui vienne un petit peu réparer cet affront. Et qui étaient les trois maniaques ? Alors, les trois maniaques d'animation, aujourd'hui, on parlerait d'otaku, mais dans les années, fin des années 50, début des années 60, ce terme-là n'existait pas encore. Donc, il y avait trois jeunes auteurs inséparables qui étaient donc Osamu Tezuka, Shotaro Ishinomori, donc créateur de Kamen Rider et de moult autres œuvres, et donc Leiji Matsumoto. Et tous les trois, ils écumaient à Tokyo le marché noir pour récupérer des bobines de films, parce que tout ce qui était film d'animation, les films de Disney, le Superman des frères Fleischer et tout ça, pour se faire une collection, pour pouvoir ensuite, ils avaient un projecteur pour pouvoir les regarder chez eux. Et donc, très vite, dans le milieu, on les avait surnommés les maniaques d'animation, les trois maniaques. Et voilà, c'est un peu les trois otaku fondamentaux. Il y a les trois rois mages et puis il y a les trois maniaques, quoi. Alors, précisons pour les auditeurs ce qu'est un otaku, parce que là, il y a un vieux monsieur dans la régie qui me dit « Oui, dis quand même ce que ça veut dire otaku ». J'imagine que les auditeurs le savent, mais il faut quand même le répéter. Les otaku, ce sont ces passionnés, voilà, qui... Il y a eu même de grands documentaires français sur le sujet, qui passent beaucoup de temps dans leur chambre à regarder leurs figurines et à lire leurs mangas. C'est ça pour schématiser ? Oui, en fait, otaku, c'est vraiment le côté passionné. C'est-à-dire qu'au Japon, on peut trouver des otaku de tout et de n'importe quoi. Il y a les densha otaku, qui sont les otaku de train, qui peuvent vous identifier une locomotive en deux secondes, qui connaissent les horaires de passage à telle gare. Vous allez voir les military otaku, qui eux sont fans de tout ce qui touche à l'armée. Et le terme est quand même surtout utilisé pour parler des fanatiques d'animation et de manga. Voilà, la précision valait son importance. Question suivante, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que sont les leitmotifs ? Parce que j'ai lu que Matsumoto travaillait vraiment à partir de leitmotifs quand il écrivait ses mangas. En quoi ça consiste, Julien Pirou ? Alors, c'est une influence qui vient en fait de la musique classique. Voilà, c'est une autre grande passion de Matsumoto, c'est la musique classique. Et notamment les opéras de Richard Wagner, entre autres, qui utilisent le leitmotif. Donc, c'est un motif musical, originellement, qui va être utilisé lorsqu'il s'agit d'évoquer... Une certaine idée, un concept, un personnage, ou ce qu'on va retrouver par la suite dans la musique de film, par exemple, ou quand quand on parlait d'Indiana Jones, et où ce que John Williams a pratiqué sur Star Wars, notamment, exactement, avec des thèmes qui sont associés, voilà, le thème de la Force, le thème de Leia, le thème de Dark Vador. Tout à fait. Et Matsumoto va utiliser cette même philosophie, mais sur un plan narratif. Et c'est ce qui rend son œuvre fascinante et parfois un peu déroutante. C'est que, par exemple, on peut être au milieu d'un récit et sans crier gare, Albator débarque, parce qu'à ce moment-là, Matsumoto veut donner l'idée de la rébellion contre l'autorité, la résilience, le courage, voilà. Et donc, pour lui, ce qui incarne ces idées-là, c'est Albator. Donc, hop, Albator est inséré dans le récit. Comme un compositeur insérait un leitmotiv. C'est un petit peu comme les personnages de la Commedia dell'arte, qui personnifiaient une certaine idée. Voilà, c'est vraiment des archétypes qui vont être utilisés d'un récit à l'autre. C'est pas forcément. C'est ce qui est parfois un peu. Les gens disent parfois, par exemple, Albator 84. Vu qu'Albator est plus jeune et puis on le voit perdre son œil dans le film et tout ça, ça se passe avant Albator 78. Bah en fait non, c'est vraiment deux récits, c'est le multivers. Hein, c'est Matsumoto, il a fait le multivers à la Marvel mais tout seul. et chaque Albator qui apparaît est un Albator indépendant, standalone quoi, qui a sa propre vie. On va retrouver des choses parce qu'il incarne justement certaines idées, donc il y a des choses récurrentes dans ce qui va lui arriver. Mais chacun d'entre eux est une... Matsumoto appelle ça la boucle du temps. Donc c'est une infinité de boucles où différentes incarnations de ces personnages vont vivre à chaque fois de nouvelles histoires, mais qui sont toujours un peu similaires quand même. C'est pour ça qu'on parle de l'Eijiverse justement très souvent, puisque c'est le multiverse de Leiji Matsumoto. On va attaquer la troisième partie de cette émission, mais avant cela, on écoute Yaiji avec For Granted. When I think about it, we'll be right back. vaisseau repéré. Ça doit être un comité d'accueil que nous envoient les Sylvidres. Alors, où est-elle? Où est l'armada royale? Elles attaquent à la fois par bâbord et par tribord. Très bien. Nous allons tenter une abattée. Effectuer un virage de 180 degrés. À tes ordres. Allez-y, les gars. On fait demi-tour sur le même. Un extrait de la série animée Albator 78, réalisé par Rintaro, dans lequel on entend Richard Darbois, mais aussi Jacques Balutin. Et puis, il y a évidemment un énorme retour de ce thème d'Éric Chardin et Didier Barbelivien, parce qu'il faut faire des droits SACEM. C'est très important. Alors, il a une manière très particulière d'écrire, Matsumoto, parce que ses histoires, ça ressemble plus à des contes philosophiques qu'à des BD structurés et planifiés, Julien Pirou. Oui, bah c'est quelque chose qu'on voit encore plus, de manière encore plus flagrante dans Galaxy Express, qui est vraiment clairement un conte philosophique, avec voilà ce voyage initiatique de ce jeune homme qui embarque sur ce train vers la vie éternelle, mais aussi finalement la découverte de la valeur de la mortalité, puisque voilà, il y aurait toute une émission à faire là-dessus. Mais effectivement, Matsumoto, il est beaucoup plus souvent dans le symbolisme que dans les histoires bien carrées qui vont suivre une structure, voilà. On parlait en off. Mathieu mentionnait que voilà le Rintaro, par exemple, trouvait que bon, il y avait quand même du travail d'adaptation à faire pour transposer ça après en animation. C'était pas si simple. Donc oui, Matsumoto, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est un auteur qui est assez déroutant à lire, mais fascinant également. En cela, Galaxy Express est vraiment, notamment le long métrage. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée sur le Leijiverse pour comprendre ce que voulait faire Matsumoto, puisque on a un trajet avec un train spatial qui va faire des étapes de planète en planète. Donc sur chaque planète, on va se retrouver avec une atmosphère complètement différente. Donc on va avoir une planète entièrement robotique, on est vraiment dans de la grande science-fiction. On va avoir un cimetière de glace, on va avoir une planète qui est un gigantesque western à elle toute seule. Et pourtant tout ça est très cohérent. Parce que l'intrigue elle-même, cette espèce de philosophie justement, cette quête de l'immortalité vient tout guider, et à un moment intervient Albator sans qu'on sache ni comment ni pourquoi, parce que justement, comme sur le principe du leitmotiv, il vient incarner ses valeurs de rébellion et de soif de liberté. Donc vraiment, Galaxy Express 1999, pour ça, synthétise tout cet esprit. Et il y a cette fascination aussi pour la mythologie germanique qu'il ne cesse de citer au fil de ses œuvres. Ben, ça, c'est vraiment sa fascination à la base pour l'anneau, le ring de Wagner, la tétralogie de l'anneau des Nibelungen. Même s'il n'est pas sans critiquer l'œuvre de Wagner, il y a dans les bonus du manga, il raconte que quand il a écouté le ring pour la première fois, il s'est dit « je crois que Wagner a une maladie de la lenteur, en fait ». Mais par contre, tout ce que ça raconte avec les dieux, le Valhalla, l'anneau maudit, tout ça, ça, c'est des choses qui vont le marquer. Il va toujours se dire, un jour, il faudrait que j'adapte ça en manga. Il va avoir plusieurs occasions de... Il va illustrer, par exemple, un livre sur la vie de Wagner, où il va mettre un peu en image les différents opéras. L'opportunité de faire le manga, elle va se présenter avec... Donc l'anneau des Nibelungen qui finalement revisite toute la tétralogie, mais avec Albator, avec les personnages de space opéra de Matsumoto, dans une espèce de cacophonie quelque part narrative, mais qui va être son grand œuvre de la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Et comment on explique sa traversée du désert jusqu'à son retour en grâce avec les Daft Punk? Je pense que là, Mathieu a plus l'expertise, on va dire, sur l'histoire de l'animation japonaise, mais je pense qu'il y a un passage de c'est un monde qui où les modes changent très vite finalement. Tout à fait. En fait, la vraie émergence de Matsumoto, son premier hit, ça sera Space Battleship Yamato, qui est en fait c'est un partenariat, c'est-à-dire qu'il y a Yoshinobu Nishizaki qui s'occupe vraiment de l'intrigue de l'univers et Matsumoto qui est beaucoup plus sur tout l'aspect design. D'ailleurs, franchement, en 74, il y a deux animés qui vont marquer l'animation japonaise pour des générations. Ce sera Yamato d'un côté et Heidi de l'autre. Et en fait, cette animation science-fictionnesque, très Star Wars, qui arrive en 77, où on va avoir du Cobra qui va arriver derrière, tout ça, quand on arrive dans les années 90, il y a une nouvelle génération de jeunes qui a envie d'autre chose. Ils n'ont pas envie de regarder les dessins animés de leur papa. Ils n'ont pas envie de regarder des Albator, du Galaxy Express, du Yamato. Et par conséquent, Matsumoto tombe un petit peu... Ça, il devient ringard aux yeux d'une nouvelle génération. Or, au Japon, les mangas, les dessins animés, c'est quand même aussi majoritairement un public assez jeune, surtout à cette époque. Maintenant, c'est moins le cas qu'on cherche à conquérir. Par conséquent, les éditeurs vont privilégier les auteurs qui sont populaires auprès de ce jeune public. Et la rencontre avec Daft Punk, ça arrive ? Ça arrive parce que Daft Punk, quand ils font Discovery, l'album, envisage de faire un film, live d'abord, puis ils pensent un peu à l'animation. Et c'est leur directeur artistique qui suggère Matsumoto. Et en fait, tout simplement, il s'avère que le label de Daft Punk, c'est Toshiba EMI, et c'est via des contacts de Toshiba EMI qu'ils peuvent aller rencontrer Matsumoto et qui valide totalement ce projet sur lequel, alors tout le monde dit que c'est lui qui a réalisé le film, non, il est entre guillemets, juste directeur artistique là aussi, preuve que c'est vraiment un énorme créateur graphique, et donc c'est comme ça qu'il revient sur le devant de la scène. Merci pour ces précisions, merci Julien Pierroux, merci Mathieu Pinon, merci Jérôme Alquier d'avoir évoqué la mémoire de Leiji Matsumoto et d'Albator. Je rappelle aux auditeurs que cette émission a été réalisée par Charles de Célia, elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, à l'aide de nos stagiaires Mathias Bellassène et Céline Grillon, et à la technique aujourd'hui, Louise Moreau et Louis Audebert au mixage. Vous pouvez bien évidemment nous laisser des messages énamourés à propos d'Albator au 01 56 40 30 20 ou parler avec moi sur Twitter avec le hashtag Blockbuster FI. Je suis Albator, le corsaire de l'espace, et je ne refuserai jamais un combat. Tout le monde à son poste. Tomorrow. Demain, mes chers frères et sœurs, oh oui, demain, nous allons célébrer la reine. Nous allons célébrer la queen. On dit qu'elle a quitté il y a peu le monde des vivants, c'est faux! Ne laissez pas la tristesse envahir votre cœur, your body, your soul. Car sa musique, oh oui, sa musique, elle est éternelle, oh oui, éternelle. Demain, on va parler de la meilleure de nos quoi, de la meilleure de nos sœurs. On va parler de Tina Turner. Alléluia!